Induna palca, to chuj się nie gramy. Popójnia do tańca, to chuj się walimy. Halba, a nie drinki, że mamy ciary i znamy wszystkie cichy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de À l'Ouest, rien de nouveau, comme chaque semaine sur la Drouguise Radio. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, puisque un an après, on s'était dit que comme ce samedi-là tombait le 24 février, on se devait de faire un épisode spécial Ukraine. Salut Souris. Salut Mickey. Ouais, c'est... On aurait bien aimé ne pas avoir à faire une émission spéciale comme ça, hein. Franchement. Ouais, après, cela dit, ça veut dire que l'Ukraine existe encore. Oui, c'est sûr. Et c'est peut-être Je, pas je plus vois mal. Que tu veux te concentrer sur les points positifs. Les côtés positifs, oui. Oui, donc l'Ukraine existe encore. Pourtant, ce n'est pas faute de vouloir la raser complètement, apparemment. Hein. Non, non, mais bon. Ouais, donc bon, voilà, nous voilà donc avec un an de guerre là-bas, et puis bah, tout ce que ça entraîne en misère totale, quoi, donc c'est super, bravo. Ouais. Joie de vivre! Ouais! Bah, on peut pas dire que les dernières nouvelles soient en plus désolées, hein, mais elles sont pas très positives. On dirait qu'on va en fait, s'enfoncer dans un conflit. Qui va durer, quoi, malheureusement. Donc, ouais, ça veut dire encore plus de morts, encore plus de destruction. Et je pense que l'autre taré, là, au Kremlin, il voudra pas lâcher le morceau, quoi. Donc, Il a l'air d'éther. voilà. Ouais, hein, c'est ça, quoi. Donc, bon. En tout cas, on va commencer avec un groupe qu'on connaît déjà, Ouais, qui un est groupe qu'on a joué Bezlad. bien, bien plusieurs fois, hein. Qu'on Et a interviewé, Souris. exactement, quand ils ont joué bah, à Strasbourg, quoi, quand il y a eu Tout à vraiment fait. quand ils ont la chance en fait, d'obtenir l'autorisation de sortir de l'Ukraine et de faire une tournée. Donc, ouais, voilà, Bezlad, groupe de Kharkiv. Et bon, bah, le morceau que j'ai choisi, c'est Teni Odin, qui veut dire You are not alone, vous n'êtes pas seul. Я твій брат. C'était Bezla de Kharkiv avec Tigné Odine, Kharkiv à l'est de l'Ukraine, tout à côté de la frontière russe. Et je précise, c'est parce que on va aller du côté inverse, à Khmelnytskyi, à l'ouest, avec Chios. Ouais, Tchou, c'est un de nos petits groupes fétiches, on va dire. Tout à fait. Voilà. Et vu que c'est un de nos groupes fétiches, je vais vous claquer carrément trois morceaux, Mais histoire de. bam, Voilà, pas pour bam, rire. quoi. Et alors, en plus, bon, tu vois, il va y en avoir quand même une bonne nouvelle. Ils sont en train de préparer un nouvel album. Donc, Oh évidemment, putain. ouais, on a hâte, hein. Ouais. Bon, alors évidemment, je pense que les conditions sont pas au top. Ils m'ont contacté là pour essayer de trouver quelqu'un aussi qui pouvait s'occuper du son, du mixage et tout ça. A priori, ça devrait le faire, mais bon, oui, voilà, ça va certainement prendre un petit peu de temps, hein, étant donné les complications qu'on peut imaginer, quoi. Mais bon, en tout cas, on attend ça avec impatience, quoi. Et donc, bah, les trois titres qu'on va jouer, ça sera donc, excusez-moi pour les répétitions. Milioni, Iskustvo, qui veut dire art, et Poroshaya Rabota, qui veut dire bon travail. Больной, чтобы не сдохнуть, вынужден Chose avec trois morceaux, Milioni, Iskustvo et Koroshaya Rabota. Et on va aller maintenant dans la capitale Kiev avec Death Peel. Ouais, Death Peel, un groupe de nanas de Kiev qui quand même déchire bien tout, quoi. Une voix qui arrache et tout, enfin, un groupe qui vaut le détour. Et le titre, c'est Go Your Way. Est-ce que c'est un message caché, Souris? C'était Death Peel avec Go Your Way et on va écouter un groupe du morceau Delirium Tremens Extrême. Oh putain! Extremens, c'est ça, hein? Ouais, Delirium Extremens. Alors ça, par exemple, ouais. C'est un vieux groupe. Hein. Alors il me semble... Celle-là, on l'a déjà joué. Hein. Exact. Et je crois qu'on l'avait joué dans nos toutes premières sur l'Ukraine. Mais je pense, ouais. Ukraina. Ouais. Voilà, avec le titre Ukraina, et ouais, c'est un vieux, vieux groupe, alors il me semble, années 80, faudrait que je déterre un peu à nouveau les infos sur le groupe, mais bon, tout ce que je peux dire, c'est ça, c'est que ça date, quoi. « Завтра вчора лежали руїни, знов повстане у центрі Європи. Нова війна, велика країна, щоб тобі повернула свободу. Ми пронесли крізь багато родів свою мрію про вільну державу. І тепер надію батьків на державу ми маємо право. Ми маємо право. Україно, ти належиш мені, Україно. Через декілька літ світ побачить велику Україну. І то буде моя Україна. Нам не байдужа доля держави. НАТО в нас є власні підстави. Скільки можна жити в багні? Все це так набридло мені. Україно, синенька єдина. Україна для мене єдина. Всюди бачим до неба та крак. Воля, то є наш єдиний шлях. Ти належиш мені, Україно. Через декілька літ світ побачить велику Україну. І то буде моя Україна, Україна. Ти належиш мені, Україно. Через декілька літ світ побачить велику Україну. І то буде моя Україна. Et voilà pour Delirium Extremes avec Ukraina. Nous allons maintenant écouter un groupe de Kherson qui s'appelle Diversion. Ouais, et alors c'est un titre, il me semble qu'on avait... Enfin, Diversion, en tout cas, on en avait déjà passé. Et le titre, c'est un truc qui, pareil, s'applique quand même pas mal à ce qui est en train de se passer au final. Break something that breaks you, c'est casse quelque chose qui te casse. Yeah. C'était Diversion avec Break Something That Break You. Breaks You, pardon. Il me semble que tu avais deux, trois informations à nous donner. Oui, alors bon, ce serait s'il y a des gens en tout cas qui veulent supporter, soutenir les combattants là-bas ou en tout cas les gens, les populations civiles aussi qui souffrent de la guerre, il y a quand même des liens intéressants auxquels envoyer du soutien de, aussi financier, quoi. Il y a alors les Kaifariki, ça c'est un groupe qui est c'est les antifa en fait hooligans de Kiev hein, à la base quoi, qui combattent là-bas. Donc vous pouvez retrouver leur page sur Instagram, c'est kaifariki.group, K-A-Y-F-A-R-I-K-I. Et de là, de toute manière, sur la page Instagram, il y a des liens hein, donc pour le PayPal et tout ça. Sinon, toujours sur Instagram, et c'est beaucoup hein, sur Instagram en fait, pour arriver à avoir les liens et les pages. L'autre, c'est Solidarity Collectives. Et du coup, pareil, il y aura les liens PayPal sur la page, sur leur page. D'accord, ok. Donc, Kaifariki et Solidarity Collective. Ouais, au pluriel. Au pluriel. Et on va donc poursuivre notre émission avec Mauser, le groupe de Lviv. Pardon. Ouais. Donc Mauser, j'ai choisi deux titres. Le premier, c'est House of Suffering, et le deuxième, School. Yeah. C'était Mauser avec House of Suffering School. J'ai l'impression qu'on va refaire un petit tour à Kiev encore maintenant, avec ouais. Root Riot. C'est ça, on revient un peu sur Kiev, avec deux titres de Root Riot, et les titres c'est Stupid Junkies et Do My Golovoy, qui veut dire penser avec votre tête, et là aussi ça s'applique plutôt bien avec ce qui se passe en ce moment. C'était Root Riot de Kiev avec Stupid Jenkins et Do My Golovoy. On n'arrête pas de faire des ping-pong comme ça, puisque maintenant, on retourne à Kharkiv avec Zardar. Bah oui, en tant qu'affaire de voyager, là, on peut se permettre hein, de faire Ah, on voyage bien là. autant d'allers-retours qu'on veut, là, comme ça. Ah. Ouais, Zrada, un petit groupe de Kharkiv qu'on avait aussi déjà passé, hein, je pense, au moins une fois, minimum. Le titre qu'on va vous jouer, c'est Yaomanivatsia Rad. Attends, c'est le mot à rallonge de sa mère, quoi. Ouais. Quand même. Carrément. Et donc ça veut dire je suis contente d'être trompée. On sent pas du tout Ouais. l'ironie. Non. On sent pas du tout non plus que pour dire une phrase en français, il y a trois mots en ukrainien, mais bon. Tu Alors m'étonnes que le c'est mot que il soit trois long. mots, mais alors putain, faut y Ah aller. bah. Celui du milieu là, faut arriver à le dire. Hein. À Ah, lui c'est tout clair. seul, en fait, il fait une phrase entière au final. Carrément, ouais. Donc bon. C'était Zrada et leurs mots à rallonge avec Ya Omnamni Vatsia Rad. Je suis content d'être trompé. Ouh, et je l'ai dit, hein. Et celui-là, il est peut-être le prochain mot, il va être encore peut-être encore plus dur parce que le prochain groupe, il s'appelle Hit. Alors ouais, c'est un peu spécial parce Tu dis que comment toi? alors je le dirais gnit parce que à Ah, la base Gnit. c'est un G, mais c'est vrai que parfois le G avec certaines combinaisons de lettres peut se transformer en H apparemment. Et Ah donc oui. là c'est ça fait gnit ou gnit. Du coup oui c'est un peu voilà. Tu vois? Voilà, les petites astuces. Hein. Du coup, ouais, ça c'est un groupe de Ouzhorod. Et alors, le titre qui est aussi assez sympathique à lire, c'est Merti Nemojna Vigiti, qui veut dire tu ne veux pas survivre pour mourir. Ouais, juste pour mourir, c'est cool. Ah, ça, ouais, cool. Ah, Ouais. ouais. Ouais. C'était Gnit avec Zbierti et Mojna Vigete. Et on va retourner maintenant à Kiev avec le groupe Deti Velikoho Miasta. Alors, ouais, c'est Mista, un... pardon. Ouais, Mista, ouais. Je ne suis pas sûre qu'on avait déjà passé des morceaux. Ça me dit rien, en tout cas. Ouais. Alors là, comme ça, de mes connaissances, je pense que le nom du groupe, ça veut dire Les Enfants de la Vieille Ville. Je me trompe peut-être, mais je... ouais, c'est... c'est... Je tente. Pendant ce temps-là, je vais essayer de te débunker. Vas-y, ah, continue à parler. T'es comme ça, toi, sans pitié, quoi. C'est de la grande ville. Ah, bah voilà. Tu... Ah oui, en plus, Vielki, je suis con, bien sûr. Ouais. Vieux, c'est taré, tu vois. Bon, bref, ouais. Écoute, on fait ce qu'on peut, hein, des fois. Des fois, non, mais pas loin, on essaye et puis ben, on échoue. Écoute. Oui, bah oui, il n'y a que comme ça qu'on échoue quand on réussit. Et puis du coup, comme ça, je m'en rappellerai encore mieux la prochaine fois. C'est ça, tu l'auras appris. Bon, trêve de plaisanterie. Du coup, le titre qu'on va jouer, c'est décidément vraiment, vraiment là dans le vif du sujet, hein. C'est Soldati Ulitsnir Bojov, qui veut dire les soldats de combat de rue. Ракес, идешь по улице гулять, в районе гопников, воров, тебе придется выживать. Тебя шмонают мусора, тебя прохожие плюют. А ты такой, как был всегда, тебя ублюдки не ебут. Ты такой, как ты, тот враг, а кто такой, как ты, тот друг. Рыба за жизнь, рыба за страх, и за друзей, за подруг. Удар по челюсти в ответ, возилось лезвие в ребро. Бригада скорая, врачи, но парня нету все равно. Девчонки плачут по ночам, им рот нутрится у отцов. Когда выходят на тропу солдаты уличных боев, клиться словно у детей, убитой юности порог. Они не исчисляют дней, сука, ему готовят срок. На рай, на рай, ему готовят срок. На рай, на рай. Ветровка, кепка, Генри Ллойд, заряды драки фаера. И каждый раз по выходным тебя прессуют мусора. Замах руками в небеса и громкий вопль «Fair play!» Снова гордость и цена окупит юшку из ноздрей. Ты убиваешь всех цветных и носишь белые шнурки. Другой же с виду, как и ты, со шивкой шарф на рукаве. И вновь железо и ножи, и кровь сочится по траве. Здесь нету зла и нет добра, здесь нет хороших и плохих. И жизнь жестокая игра, и каждый здесь немного псих. Они уходят никуда, другие на ноги встают. И через годы их места солдаты новые займут. Плачут по ночам, им ракнут лица у отцов. Когда выходят на тропу солдаты уличных боев, их лица словно у детей, убитая юности порог. Они не исчисляют дней, судьба ему готовит срок. На-най, на-най, ему готовит срок. C'était Diti Velikoho, non, Hoho, Miesta avec Soldati Olijishke Boyov. Plus ou moins. Moins que plus, hein, j'ai envie de dire. Échec total. Écoute, comme on disait, hein, l'important c'est d'essayer. On va aller à Odessa avec Delo Ryan. Oui. Alors, pareil, c'est un groupe qu'on n'a pas joué auparavant. Non, ça me dit rien, Odessa, déjà. Ouais, voilà, un petit groupe de hardcore et le titre, comme je disais, que j'aime beaucoup, c'est Gorod Kotov, qui veut dire la cité des chats. C'était Delo Drian avec Gorod Kotov, la cité des chats. Et nous allons terminer cette émission avec Teoria Valtu. Ouais. Alors, du coup, c'est un groupe qui avait. Je vais y arriver, hein, ça fourche. Un groupe qui est aussi de Khmelnytsky, parce que, bah, devinez quoi, c'est avec des membres de Tchos. Il me semble que ça date d'avant Tchos et que voilà, ça n'existe plus maintenant. Le morceau, c'est Sukelki, qui veut dire les bonbons, quoi. Les... Та пам'ятаю, як очі в усьому зізнались. Цукерки дешеві, шампанські гристи ти хотіла. Увагу, я хотів тебе з'їсти. на дискотеки. А я не міг уявити життя без концертів. Цукерки дешеві, шампанські гристи. Ти хотіла уваги, я хотів тебе з'їсти. Не пригадати, коли і як все почалось. Та пам'ятаю, як очі в усьому зізнались. Цукерки дешеві, шампанські гристи. Ти хотіла уваги, я хотів тебе з'їсти. C'était Teoria Gvaltu avec Tsukerti. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les petits liens informationnels et caritatifs? C'est ça, quoi. Donc, pour soutenir les combattants, il faut aller sur la page Instagram de Kaifariki Group. K-A-Y-F-A-R-I-K-I. C'est les hooligans Antifa de Kiev, donc n'hésitez pas à les soutenir. Et plus pour ça, ouais, voilà, plus pour le, on va dire, le, je vais y arriver, hein. Plus pour l'humanitaire, là c'est Solidarity Collectives aussi sur Instagram. Allez sur leur page, il y a des liens que vous trouverez directement pour les aider. Ok. Eh ben, souris, merci beaucoup pour la préparation de l'émission et la co-animation. Restez à l'écoute car la voix de la Hoy ne s'éteint pas. Salut. Salut tout le monde.